l'a appelée la guerre du Kippour, parce qu'elle a commencé le 6 octobre 1973, le jour même de la fête du Kippour, la fête de l'expiation pour les Juifs. Une guerre de 15 jours qui a montré pour la première fois que les Israéliens n'étaient pas invincibles. Une guerre qui, surtout, a déclenché le grand choc pétrolier et sans doute le début de la crise économique que nous vivons encore. Soudain, le pétrole était devenu une arme entre les mains des États arabes. Dans tous les pays industrialisés, c'était la panique. C'en était fini du mythe de l'énergie bon marché. On parlait de rationnement, de pénurie, et en France, on commençait à chasser un étrange animal nommé Gaspi. C'est dire l'importance de cette guerre du Kippour qui allait si profondément modifier nos sociétés industrielles, mais aussi nos modes de vie. Or, d'après M. X, que j'ai rencontré une nouvelle fois cette semaine, ce grand choc a été créé de toutes pièces. Et la guerre du Kippour, cette étincelle qui a mis le feu aux poudres, a été le fruit d'une tortueuse machination. Nous allons y venir dans un instant avec la diffusion de ce nouvel enregistrement. Auparavant, je crois qu'il est bon de revenir sur le contexte historique de cette fin d'année 73. Le contexte apparent, en tout cas, car vous l'entendrez, en fait, tout s'est joué dans la coulisse. En 1967, la guerre éclair des six jours a permis à Israël d'occuper d'importants territoires pris à l'Égypte, à la Jordanie et à la Syrie. Un véritable coup de massue pour les pays arabes. Mais chacun devine qu'un jour ou l'autre, ils voudront prendre leur revanche. D'autant qu'ils sont sans cesse aiguillonnés par les Palestiniens qui multiplient les actions terroristes. Mais les deux super grands veillent. Moscou veut bien aider Nasser, à la condition qu'il ne se prépare pas à une nouvelle guerre. Quant aux États-Unis, ils redoublent d'initiatives afin d'arriver à un règlement pacifique du conflit. En 1970, Nasser meurt. Sadat lui succède. Le nouveau chef d'État égyptien amorce un timide rapprochement avec les Américains. Mais en 1971, nouvelle tension. Israël commence l'implantation de colonies de peuplement dans les territoires occupés. Conséquence, Sadat refuse de renouveler l'accord de cessez-le-feu. La guerre menace à nouveau. Autre donnée qu'il faut prendre en compte, le pétrole. Les pays arabes fournissent 31% de la production mondiale et totalisent plus de 50% des réserves mondiales. Mais ce pétrole est exploité en grande partie par des sociétés étrangères à ces pays, des sociétés essentiellement anglo-saxonnes, qui contrôlent toute la filière de l'extraction jusqu'à la livraison aux consommateurs, en passant par le transport et le raffinage. Mais en ce début des années 70, la situation change brutalement. Les pays durs, Algérie, Irak, Libye, commencent à ruer dans les brancards et entreprennent de nationaliser les sociétés qui extraient du pétrole sur leur territoire. Voilà, je crois, ce qu'il fallait savoir avant d'entendre la première partie de ce nouvel entretien avec M. X. C'est le soleil, nous Rendez-vous avec X sur France Inter en compagnie de Patrick Pénaud. Je vous l'ai souvent dit, il y a toujours deux façons de voir les choses. Par exemple, comment a-t-on expliqué le grand choc pétrolier de 1973 ? Pour d'une manière très simple. Les grandes compagnies pétrolières ont brusquement cessé de faire la loi. Désormais, ce sont les pays producteurs qui mènent le jeu. Conclusion, si le pétrole est rare et cher, c'est la faute des émirs. Vous êtes d'accord ? Bah, écoutez, en tout cas, comme ça, ça ne me semble pas tout à fait faux. Apparemment, oui. Et pourtant, cette explication est vraiment très loin de correspondre à la réalité. Très loin même. C'est ce que je vais vous démontrer, si vous le permettez. Au fait, d'où vous vient cet intérêt pour le pétrole ? Bon, je crois qu'on pourrait écrire l'histoire de ce siècle rien qu'en s'intéressant à l'histoire de toutes les ressources énergétiques, et d'abord du pétrole. Je plaisante à peine. Et puis, tout ce qui touche le pétrole a toujours été entouré de péripéties mystérieuses, de magouilles, de pots de vin. Regardez ce qui se passe chez nous avec Elf aujourd'hui. Ah, ça, c'est une affaire sensible. Enfin, et puis, j'imagine que dans de telles affaires, les services de renseignement ne doivent pas être inactifs. Bien entendu. Alors, venons-en à votre démonstration. Vous m'avez affirmé d'emblée que la guerre du Kippour avait été sciemment provoquée pour favoriser des intérêts privés. Quels intérêts privés ? Mais ceux de l'industrie pétrolière, bien sûr. Et pas ceux des pays producteurs. Bon, rassurez-vous, les pays membres de l'OPEP ne se sont pas oubliés. Mais ce sont d'abord les grandes compagnies pétrolières qui ont été bénéficiaires. Normal, puisque ce sont elles qui ont provoqué la guerre du Kippour. Provoqué, c'est une accusation très grave, ça. Je le sais, mais tant pis, c'est la vérité. Admettons. Alors, essayez d'étayer cette accusation. Vous savez bien sûr ce que sont les sept sœurs. Moi, je crois, oui, ce sont les sept plus grosses compagnies pétrolières au monde. On les appelle aussi les majors. Cinq sociétés américaines et deux anglaises. Mais qui ont beaucoup d'intérêts aux États-Unis et une myriade de filiales. Et au fait, c'est anecdotique, mais pourquoi les sept sœurs ? C'est Mattei, l'Italien, Mattei, qui les a appelées ainsi. Alors, ce n'est pas difficile à comprendre pourquoi. Parce que ces compagnies sont étroitement unies au sein d'un cartel occulte. Et à cause de cette union, les sept sœurs représentent toujours d'ailleurs une formidable puissance. Songez qu'au début des années 70, les majors assuraient plus de 80% de la production de pétrole au Moyen-Orient. Oui, mais c'est justement à cette époque, en 70, que Kadhafi a commencé à renacler. Et bien sûr, mais il vous laisse sa part du gâteau. Une part forcément prise sur le dos des sept sœurs, si vous me permettez. Apparemment seulement. Écoutez bien. Les pays producteurs veulent donc une redevance plus importante sur chaque baril extrait. Très bien. On leur donne satisfaction. Et on répercute l'augmentation sur toute la chaîne. Extraction, transport, raffinage. Et au bout du compte, c'est le consommateur qui paie son pétrole plus cher. Mais les compagnies, elles n'ont rien perdu, bien au contraire. Puisque les marges restant les mêmes, les bénéfices sont d'autant plus importants. Oui, d'accord, mais si mes souvenirs sont justes, sont exacts, il y a quand même eu des nationalisations à l'époque. C'est vrai, mais réfléchissez. D'abord, les nationalisations sont rarement à 100%. Tout simplement parce que les pays producteurs ont besoin du savoir-faire des compagnies. Ce que concluent donc les sept sœurs avec les pays arabes. À travers ces nationalisations partielles, ce sont de véritables contrats de mariage. Des contrats à long terme qui leur assurent la tranquillité. Et puis, qui contrôle le transport, le raffinage, la commercialisation ? Ce sont toujours les sept sœurs. Vous comprenez maintenant ? Je vais même aller plus loin, au fond. L'appétit grandissant des pays arabes, ça rend plutôt service aux compagnies pétrolières. Là, quand même, c'est un peu plus difficile à comprendre. Mais si, parce que tout ce qui concourt à provoquer une augmentation du pétrole, c'est le bienvenu. Ça fait même partie d'un plan concocté par les sept sœurs. Un plan justement destiné à préparer l'opinion publique à une augmentation substantielle des produits pétroliers. Et ça a commencé aux États-Unis, où, curieusement, en ce début des années 1970, on a soudain commencé à parler de pénurie. En fait, je vous l'affirme, il s'agissait d'une formidable manipulation. Quelques taxis passent. Sous la pluie, il veut bavarder. Ses petits ennuis me donnent la nausée. Toute façon, moi ce que je veux, c'est dormir. Et ce soir, j'avais le blues sur le trottoir. Un soir de pluie. Je ne veux pas déflorer la suite du récit de M. X, mais en compulsant quelques ouvrages consacrés à l'histoire du pétrole, par exemple « Pétrole, la Troisième Guerre mondiale » de Pierre Péan, on se rend compte, manipulation ou pas, que des événements étranges se sont produits aux États-Unis au début des années 70. Cela commence pendant l'hiver 70-71, où on note les premières difficultés d'approvisionnement. Les distributeurs indépendants d'essence sont rationnés. Un mouvement qui va prendre rapidement de l'ampleur. Au cours de l'hiver 72-73, des écoles américaines ferment, faute de chauffage. Des poids lourds doivent cesser de circuler. Cette pénurie s'aggrave au printemps et pendant l'été. Dans de nombreux États, les automobilistes rencontrent de nombreuses stations-service fermées. En mai, on note déjà la fermeture de plus de 1000 stations et 2000 autres sont sur le point de mettre la clé sous la porte. Dans le Colorado, par exemple, il faut faire la queue plus d'une demi-heure pour obtenir un tiers de plein. À Oakland, un automobiliste tue même le pompiste qui refusait de remplir le réservoir de son auto. Des récoltes sont retardées à cause du manque de carburant pour les tracteurs. Et, naturellement, les prix des produits pétroliers augmentent. Alors, s'agit-il vraiment des effets de cette manipulation dont parlait M. X dans la première partie de notre entretien ? Et quand je parle de manipulation, je n'invente rien. Les sept sœurs ont non seulement organisé le rationnement, mais elles ont dépensé des millions de dollars pour faire croire à l'opinion que la pénurie menaçait. Comment ils ont fait ? Bon, en organisant une véritable campagne de presse. Avec des arguments ? Pour les plus simples, sinon les plus évidents. Il faut persuader le pays que les compagnies gagnent moins d'argent. Et si elles gagnent moins d'argent, elles ne pourront plus investir dans la recherche de nouveaux sites. Conclusion, on risque un jour de manquer de pétrole. Et à votre avis, il y avait une petite réalité là-dessous ? En tout cas, il est faux d'affirmer que les compagnies gagnent moins d'argent. Mais il est vrai, par contre, que le cartel des sept sœurs doit faire face à une concurrence intérieure qui les embarrasse sérieusement. Concurrence intérieure. Quelle concurrence ? Celle des petits producteurs américains indépendants. Des sociétés qui fournissent presque la moitié du pétrole. Ah, quand même, la moitié. Ouais, ce n'est pas rien, quand même. Hein. Alors, ces indépendants se battent, becs et ongles, pour obtenir la limitation des importations. Parce que leur pétrole est plus cher, bien sûr, que celui qui est importé par les sept sœurs. Il faut d'ailleurs, à ce propos, noter une chose très curieuse. Un élément qui va éclairer la suite de mon récit quand je viendrai à vous parler du déclenchement de la guerre du Kippour. Les producteurs indépendants sont de fervents supporters du lobby israélien, tandis que les sept sœurs, elles, sont traditionnellement pro arabe. Oui, c'est intéressant, ça. Bon, et puis je vais ajouter encore autre chose. En ces années-là, les écologistes sont très actifs aux États-Unis. Et les grandes compagnies pétrolières sont une de leurs cibles favorites. En effet, les écolos accusent les compagnies de vendre un pétrole trop peu loin. Vous voyez donc que les sept sœurs ne manquent pas d'arguments pour pleurnicher et faire croire à l'opinion qu'elles sont menacées d'étranglement. Et donc que la seule solution, c'est d'arriver à une augmentation indispensable du prix du pétrole. C'est ça, hein ? Et ça marche ? Oui, ça marche. Et comment ? Les Américains ont la trouille. Enfin, pardonnez-moi l'expression. Ils sont persuadés qu'un jour, le pétrole manquera. Et sans pétrole, c'est l'American Way of Life qui risque d'en prendre un sérieux coup. Oui. Mais derrière, le vrai but de cette campagne, c'est préparer tout simplement l'opinion au choc pétrolier. Le fameux choc pétrolier. Oui, c'est-à-dire à une augmentation considérable du prix des carburants. Et pour provoquer ce choc, les sept sœurs sont prêtes à tout, même à provoquer une guerre, et donc causer la mort de milliers d'hommes. Ah, nous y voilà quand même. Oui, c'est en quelque sorte Kadhafi lui-même qui leur a mis bien involontairement la puce à l'oreille. Expliquez-moi ça. À peine arrivé au pouvoir et avant de nationaliser à 51% les compagnies qui exploitent le pétrole libyen, Kadhafi déclare à peu près textuellement « Les États-Unis doivent payer à cause de leur soutien à Israël ». Une menace très grave et qui risque d'être contagieuse, car les autres pays arabes, les durs d'abord, les modérés ensuite, peuvent être tentés de mener une vraie guerre économique contre les États-Unis et par conséquent contre les grandes compagnies pétrolières. Alors celles-ci se mettent à réfléchir et à envisager la riposte. Mais dans quel sens ? Eh bien, le cartel fait deux constatations. D'abord, il lui apparaît indispensable de conserver de très bons rapports avec les pays arabes. Ça se comprend. Mais même si, officiellement, les États-Unis continuent à être les alliés d'Israël. Normal, non ? Ensuite, il lui semble que, tôt ou tard, une nouvelle guerre éclatera entre les Arabes et les Israéliens. Évident, mais très embarrassant. Sauf si on tire parti de cette guerre. Et c'est là tout le machiavélisme de la politique des sept sœurs. Une politique que va mettre en œuvre un certain McCloy, John McCloy. Qui est celui-là ? C'est un homme d'influence, un sacré bonhomme, toujours aussi actif malgré ses 79 printemps. 79 printemps, ouais, à l'époque. Hein. Oui, à ce moment-là, oui. Un type qui connaissait le secret des sept sœurs depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et pour cause, c'était leur homme de confiance, leur indispensable intermédiaire quand il fallait discuter discrètement avec les États. Un homme aussi qui assistait aux réunions les plus importantes. Alors, si je vous comprends bien, c'était le chef du lobby pétrolier. Oui, oui, mais alors un chef discret. Dans ce genre d'affaires, McCloy détestait se mettre en avant. Et pour mener à bien le formidable coup de poker des sept sœurs, il fallait être diaboliquement fort. sur moi. France Inter, on retrouve Patrick Pénaud pour Rendez-vous avec X. J'ai fait des recherches sur ce fameux John McCloy, dont M. X nous affirme qu'il a joué un rôle essentiel dans cette histoire. En 1944, cet avocat a participé à l'élaboration des plans d'occupation de l'Allemagne. Sous secrétaire d'État à la guerre, il est nommé, en 1945, administrateur civil dans la zone d'occupation américaine en Allemagne. Ensuite, c'est l'un des concepteurs du plan Marshall. Président de la Banque mondiale, puis de la Chase Manhattan Bank, il revient enfin à ses activités d'avocat. Et c'est ainsi qu'il devient le représentant officieux ou occulte des grandes compagnies pétrolières. Dans le livre de Samson, Les Sept Sœurs, j'ai trouvé par exemple cette confidence faite par le vieux McCloy à l'auteur au sujet de ses relations avec Henry Kissinger. Je lui sautais dessus à tout moment pour lui signifier que c'était la tâche impérative des instances dirigeantes de parvenir à un règlement au Moyen-Orient et que l'administration se devait quand même de penser à autre chose qu'au résultat des prochaines élections à New York. Autre élément troublant, une déclaration de Faisal, le roi d'Arabie Saoudite. En août 1973, trois mois avant le début de la guerre du Kippour, il déclare à un journal libanais « On tente de faire croire aux Arabes que le seul moyen d'utiliser leur pétrole est d'en arrêter le pompage. On insiste sur ce fait comme si quelqu'un poussait les Arabes à l'aventure avec leur arme la plus forte. » Ce quelqu'un qui pousse les Arabes à l'aventure, est-ce ce mystérieux John McCloy? C'est la première question que j'ai posée à M. X dans la troisième partie de notre entretien. Bien évidemment, c'est McCloy qui tire les ficelles et derrière lui, il y a les sept sœurs. J'ai l'impression que vous avez bien connu ce type. Non, là, je dois vous décevoir, mais je ne l'ai pas connu personnellement. Bon, croyez-moi, les gens qui connaissaient son rôle secret le surveillaient en permanence et notaient en particulier ses nombreux déplacements. Des voyages qui le conduisaient très souvent aux proches et au Moyen-Orient. Surtout, d'ailleurs, en Arabie Saoudite et en Égypte. Oui, ça se comprend, mais et en Égypte, il rencontre Sadat ? En personne, oui, McCloy n'est pas du genre à passer par des intermédiaires. Et ce qu'il a à dire à Sadat est tellement important, tellement secret aussi. Et naturellement, vous êtes au courant, vous. Bah écoutez, je vais être franc, sur le moment, non, je ne savais pas. Mais c'est après que j'ai compris et qu'en recoupant des informations confidentielles, j'ai pu reconstituer le plan de McCloy. Quand vous dites après, c'est après la guerre du Kippour ? Voilà. Alors, que dit ce McCloy à Sadat ? Attendez, avant, il faut bien comprendre quelle était la situation du président égyptien à l'époque. Il est chef d'un État humilié. L'Égypte aspire donc à recouvrer sa dignité après la pitoyable guerre des six jours, vous vous en souvenez, de tous ces godillots abandonnés dans le désert. Oui, je vois encore les photos. Oui. Et le peuple de Sadat réclame vengeance, bien sûr. Son peuple, mais aussi son armée. D'ailleurs, il a dû déjà faire face à des émeutes provoquées par les partisans de la guerre avec Israël. Il faut aussi ajouter qu'Israël ne lui rend pas la vie facile. En multipliant les colonies dans les territoires occupés, en abattant un avion civil libyen au-dessus du Sinaï, les Israéliens multiplient les provocations, un peu comme aujourd'hui Netanyahou quand il construit des HLM à Jérusalem-Est. Mais donc si je vous suis bien, pour Sadat, la guerre est donc, comment dirais-je, politiquement inévitable. C'est juste. S'il ne s'y résout pas, il sera fatalement renversé. Mais Sadat est un homme prudent. C'est l'image qu'on a gardée de lui, en tout cas. Oui. C'est un homme prodigieusement habile, qui ne se lancera pas dans l'aventure sans avoir la certitude de marquer des points et d'être assuré de bénéficier de soutiens solides. Mais à l'époque, son principal soutien, c'est encore l'URSS, hein, c'est ça? Oui, mais les Soviétiques ne sont pas favorables, eux, à la reprise des hostilités avec Israël. Pourquoi? D'abord parce qu'un nouveau conflit provoquerait inévitablement une tension internationale. Or, on est en pleine période de coexistence pacifique. Puis il y a une deuxième raison. Les Russes, qui sont les principaux pourvoyeurs d'armes au Caire et qui conseillent les militaires égyptiens, ne croient pas à la possibilité d'une victoire des Arabes. Ils ne se privent pas d'ailleurs pour le dire à Sadat. Ils le disent à ça. J'imagine que ça n'a pas dû faire plaisir à Sadat, ça. Hein? Non, certainement pas. Mais au fond, ça arrangeait Sadat, qui avait déjà décidé de lorgner du côté des États-Unis. Mais les États-Unis étaient les alliés d'Israël. Oui, oui, mais c'est là qu'intervient notre machiavélique McCloy. Je vous explique. Sadat a besoin d'une guerre pour apaiser son opinion publique remuante et vengeresse. On va la lui donner. Mais pas une grande guerre, une petite, juste de quoi effacer l'humiliation de 67. Petite guerre, mais pas une grande, d'accord. Mais comment les Américains pourraient-ils accepter J'ai dit une petite guerre, une guerre courte dans le temps et limitée sur le terrain. Une guerre sur laquelle, au moins dans un premier temps, les Américains pourraient fermer les yeux, avant de faire semblant de se fâcher et de prendre officiellement le parti d'Israël. Mais si McCloy tient ce langage à sa date, c'est qu'il a déjà obtenu des assurances de l'administration américaine. Exactement. Washington n'a pas grand-chose à refuser aux sept sœurs. Et McCloy est très lié à Kissinger, ce cher Henry, qui est le secrétaire d'État de Richard Nixon. Et McCloy aurait obtenu l'accord de Kissinger ? Ça, je vous l'affirme, oui. Oui. Mais quel est le véritable intérêt de Washington ? Mais il est double. D'abord, il s'agit de ne pas contrarier les intérêts des sept sœurs. Ça, on le comprend, oui. Donc les intérêts économiques américains dans la région. Mais il est aussi important de se rapprocher de Sadat. Et donc, d'évincer définitivement les Soviétiques d'Égypte. Un véritable renversement d'alliance. Non, non, je vous assure, le plan de McCloy était solide, costaud. Mais tant pis si la morale n'y trouvait pas tout à fait son compte. Monsieur X a affirmé qu'à Washington, les grandes compagnies pétrolières étaient chez elles. Je n'ai pas de moyen de le prouver, j'ai simplement découvert les liens très étroits de John McCloy avec l'administration américaine. Mais je peux aussi vous citer un livre d'Anthony Sampson intitulé « Les Sept Sœurs ». L'historien écrit ceci, je le cite. « La commission, présidée par le sénateur Irvin, au cours de son enquête sur les fonds secrets de la campagne électorale présidentielle, il s'agit de la campagne de Richard Nixon, révéla que deux compagnies pétrolières, Ashland et Gulf, avaient enfreint la loi. Elle découvrit également les premiers indices d'une longue suite de faits révélant la façon dont les compagnies purent entretenir un réseau secret de corruption. Claude Wilde, le vice-président de la Gulf chargé des relations avec le gouvernement de Washington, témoigna de la manière dont il avait fait tenir 100 000 dollars par le canal d'une filiale aux Bahamas au comité de soutien à Nixon. Vous m'avez aussi dit précédemment que ce McCloy se rendait souvent en Arabie Saoudite. Oui, oui, c'est la seconde partie de son plan. Et sa mission consiste à persuader le roi Faisal d'aider Sadat et surtout d'utiliser pour la première fois l'arme du pétrole. L'arme du pétrole, c'est-à-dire de menacer de fermer les robinets. C'est exactement ça. Ouais. Mais non, l'arme du pétrole, ça peut se retourner aussi contre les Américains. Hein. Mais vous verrez que non. En fait, les compagnies pétrolières américaines, qui ont donc la main mise sur le transport, détourneront aisément l'embargo. Seuls les Européens et les Japonais seront les vraies victimes de l'arme du pétrole. Et puis bon, n'oubliez pas que toute menace de pénurie provoque immédiatement une augmentation des prix. Et donc une augmentation des bénéfices. Exactement. Puis il y avait encore autre chose. Un argument que McCloy a dû se garder d'avouer à ses amis arabes, parce qu'il allait totalement à l'encontre de leur intérêt. Ouais, quel argument ? Eh bien, si le prix du pétrole double ou quadruple, soudain, certains gisements américains, dont l'exploitation est trop coûteuse, deviennent, comme par miracle, rentables. Je vous le dis, les sept sœurs avaient tout prévu. Ouais, c'est assez machiavélique, en effet. Mais aider Sadat, vous avez dit, en parlant de Faisal, aider Sadat comment ? En lui donnant de l'argent ? Bah, de l'argent et des armes. Des armes qui seront livrées par les États-Unis à l'Arabie Saoudite. « Majesté, a dit McCloy, je vous promets que l'administration américaine fermera les yeux si, par malheur, quelques hélicoptères ou d'autres matériels militaires prenaient discrètement le chemin du Caire. Ouais, » C'est en effet assez diabolique. Et Faisal, le roi Faisal a été convaincu. Oui, à partir de ce moment, le grand jeu peut commencer. Sadat va donc voir Nixon, et l'Égyptien, très intelligemment d'ailleurs, fait l'analyse suivante. « La situation au Proche-Orient ne cesse de s'envenimer. » Les pays durs, Irak, Syrie, Libye, veulent en découdre. Si on laisse faire, ce sont les Soviétiques qui rafleront la mise. Donc, laissez-moi faire ma guerre, ma petite guerre, limitée. Et devant ce discours assez étonnant quand même, hein, comment réagit Nixon ? Eh bien, s'il avait encore besoin d'être convaincu, ce dernier argument a emporté son acquiescement. Donc, il a donné le feu vert à Sadat pour oui. la guerre du Kippour. Oui, hein, oui, tout à fait. Et ce faisant, il a quand même trahi son allié israélien. Mais c'est la vérité. Mais n'oubliez pas qu'il ne devait s'agir que d'une guerre limitée, juste bonne à regonfler l'orgueil de l'armée égyptienne. Et il n'était pas question de remettre en péril l'existence de l'État hébreu. Ouais, je veux bien, mais vous savez bien que quand on commence à jouer avec le feu... Oui, vous avez raison, mais il y a toujours des risques, effectivement. Mais Nixon, poussé par le lobby pétrolier, était prêt à le prendre. Et la suite des événements allait lui donner raison. Et allait surtout montrer à l'évidence que le plan de McCloy était bien celui... que je vous ai décrit. Allez, alors, allez-y, je vous écoute. Bon, je ne vais pas vous raconter la guerre du Kippour, ça serait quand même trop long. Mais observez ce qui se passe. Les Égyptiens attaquent par surprise, ils passent le canal de Suez, bousculent les lignes de défense des Israéliens. C'est la stupeur. Où vont-ils s'arrêter ? Même l'aviation israélienne, qui tombe sous les coups des missiles SAM-7, est incapable d'arrêter l'avance des Égyptiens. Mais soudain, ils s'arrêtent. Les Égyptiens ? Oui, ils se contentent de consolider leur position. Pourquoi ? Et parce que Sadat respecte le contrat qu'il a passé avec Nixon et McCloy. Peut-être. Mais, je ne crois pas rappeler, moi, il y a quand même un hic, c'est l'intervention des Syriens dans le Golan. Oui, on peut le voir comme ça, mais les États-Unis savaient très bien que les troupes syriennes ne feraient pas illusion longtemps. Quant à l'offensive égyptienne, elle se termine, comme vous le savez. Israël passe à son tour à l'offensive, contourne les Égyptiens, franchit le canal... Les combats sont rudes, meurtriers, mais très vite, les deux grands s'en mêlent. Moins de 15 jours après Yom Kippour, c'est le cessez-le-feu. Et quand on examine cyniquement les conséquences de cette guerre, que constate-t-on ? Sadat a conforté son pouvoir, les Américains ont renforcé leur influence et le prix du pétrole flambe pour la plus grande joie des dirigeants des sept sœurs. McCloy a gagné. Une question quand même. Comment les Israéliens ont-ils pu ignorer si longtemps l'imminence de l'attaque égyptienne, alors qu'on connaît la force de leur service secret. C'est vrai qu'ils ont réagi très tardivement. Mais ça, c'est parce que les Américains ne les ont pas informés. Et quand enfin les Israéliens ont compris qu'ils allaient être attaqués, c'est Nixon lui-même qui leur a demandé de ne pas prendre l'initiative. Pourquoi ? Parce que, a-t-il prétendu, il ne pouvait pas apparaître comme l'allié d'un agresseur. En fait, mais vous l'avez compris, lui aussi tenait à respecter à la lettre son contrat avec Sadat. Thank you. Inutile de vous dire que Kissinger a toujours nié avoir joué le rôle que lui attribue M. X dans cette histoire. Alors, où est la vérité? Les Américains ont-ils vraiment donné un feu vert à sa date? Pour ma part, j'ai trouvé mention d'une visite significative, je le crois. En septembre, un mois avant la guerre du Kippour, Sadat reçoit au Caire une personnalité de premier plan, David Rockefeller. Or, David Rockefeller, c'est un représentant éminent de la banque et donc du pétrole. Un dernier point, très intéressant. Qui a demandé la levée de l'embargo pétrolier qui a suivi la guerre du Kippour? Sadat, en personne. Concluez vous-même. À samedi prochain.